إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8, c'est le dernier cours sur ce livre النقد منهج شرعي et l'explication du Cheikh Rabi' au sujet du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali et de l'imam al-Nawawi. Le premier livre de l'imam Ibn Rajab c'est Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir et le deuxième livre c'est la partie du livre de Riyad al-Salihin, le chapitre qui parle de ma yubah min al-ghiba et il a expliqué ce chapitre ou bien certains points dans ce chapitre. Et il a clarifié cette question-là. Puis, à travers l'explication qu'il a donnée, il a clarifié certains points pour donner des exemples, pour expliquer des exemples pratiques de qu'est-ce qui se passe par rapport à cette règle-là, puis comment c'est appliqué, puis comment on voit parfois certaines contradictions à ce sujet-là de la part de certains groupes parmi les Hizbiyyin, comment ils appliquent cette règle à l'envers. Comment ils appliquent cette règle à l'envers. Donc il dit maintenant, « Baladun qamat ala sunna, wa fiha akhta, wa hiya fatihatu abwabiha liman yansah, taqulu insahmu, uktubu, ma habasu ahadan idha kataba wa zahaba, wa qalu tafaddalu, أنا عندي هذه الملاحظات ولكن التشهير والله لا يرضاه أحد ولو كان خليفة راشدا لا يرضى بهذا التشهير أبدا وقد كان الناصحون يتسللون في الظلام وفي الخفاء إلى الخلفاء الراشدين ينصحونهم فيما بينهم وبينهم وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبون إلى عثمان رضي الله عنه ويكلمونه فيما بينه وبينهم وكان أهل الشر وأهل الفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقفون على المنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب والباطل فهذه طريقة أهل الحق وهذه طريقة أهل البدع. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit, quand on voit un pays, par exemple, un exemple d'un état qui est établi sur la sunna, et tu vois qu'il y a dans ce pays-là parfois des erreurs et des fautes qui vont se produire. Et ça c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y aura jamais un état ou un pays qui sera parfait à 100%. Donc il dit, ce pays-là il ouvre ses portes à celui qui veut venir et donner un conseil, et donner une nasiha. Ils disent, les dirigeants disent, écrivez, venez, donnez-nous vos conseils, faites-nous parvenir vos commentaires, vos critiques, hein. Et donc, ils accueillent ça, et ils n'ont jamais arrêté personne parce qu'il a écrit une nasiha ou parce qu'il a donné un conseil. D'accord? Et donc, ça c'est l'exemple. Mais, ceux qui veulent par exemple publiciser les fautes et les péchés et les rendre publics et les dire à haute voix devant tout le monde pour faire connaître à tout le monde les fautes, il dit ça, c'est personne qui l'accepte, personne n'est satisfait de ça, même si c'était un parmi les Khulafa al-Rashidin, même si c'était Abu Bakr radiallahu anhu, ou Omar, ou Othman, ou Ali radiallahu anhum ajma'in, si quelqu'un venait puis commençait à crier, il y a telle faute ou telle erreur ou tel péché ou telle chose en public sur le minbar, aucun d'entre eux n'aurait accepté ça. Hein, parce que c'est pas la méthode, c'est pas la sunna, c'est pas la façon de faire pour corriger les fautes et les erreurs. Il dit, on voit par exemple à l'époque des Khulafa Rashidin, les Sahaba qui voulaient donner le nasiha aux Khulafa, ils venaient dans la nuit quand il faisait noir et ils se cachaient pour aller chez le Khalifa pour lui donner le nasiha en privé. Et ils cachaient ça. Hein? Ils allaient en privé et ils cachaient ça. Il donne l'exemple de Osama ibn Zayd et d'autres qui allaient voir Uthman ibn Affan radiallahu anhu et qui lui donnaient le nasiha en personnel, en privé. Hein? Ils allaient en pleine nuit ou bien durant le quand il faisait noir et ils lui donnaient le nasiha. Ok? Pour plusieurs raisons, ils faisaient ça à ce moment-là pour plusieurs raisons et de cette façon-là pour plusieurs raisons. Une raison, c'est parce qu'ils ont peur du riya, ils ont peur du riya, c'est-à-dire de montrer aux gens leurs actions, leurs bonnes actions. Donc quand quelqu'un par exemple, il fait quelque chose par exemple, il veut donner conseil aux dirigeants, et il écrit une lettre ouverte, et là il donne ça à tout le monde, il publie ça à tout le monde, il y a dedans une forme de riya pour montrer aux autres, regardez moi je suis courageux, je suis fort, je suis capable d'écrire aux dirigeants, j'ai pas peur. Et peut-être que ça fait en sorte que, même si à l'origine il avait une bonne intention, eh bien ça fait en sorte que la sincérité est moins grande, et peut-être même Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette nasiha, même si à la base elle était faite avec une bonne intention. Et deuxièmement aussi, ça crée de la fitna. Ça crée de la fitna, parce que ça peut soulever la colère et la haine de la population, qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas les règles de l'islam, et ça peut les amener par la suite à faire des réactions qui sont démesurées. Et on a vu ça justement à l'époque de Osman ibn Affan. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Eh bien, ils sont sortis, ils ont tué Osman ibn Affan dans sa maison. Ok? Parce que lui, Osama ibn Zayd, radiallahu anhu, il allait donner le nasiha à Osman ibn Affan en privé. Et il y a des gens qui lui disaient par exemple, pourquoi tu ne vas pas lui donner le nasiha à Osman? Et il dit, subhanallah, est-ce que vous pensez que si je vais lui donner le nasiha, je vais vous dire ça? Hein? Ce n'est pas de vos affaires, si je le fais, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, il l'a fait. Mais les autres, pendant ce temps-là, pendant ce même temps, les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils criaient ouvertement dans les rues, ils rassemblaient le monde, et ils disaient, voici ce que Osman a fait, voici ce que Osman a fait, voici ce qu'il fait, il fait l'injustice, il fait ci, il fait ça. Et ils rassemblaient des mensonges et des faussetés au sujet de Osman pour soulever la haine et la colère des gens. Alors que c'est un des Khulafa Rashidin, min al-Mubashirin bil Jannah, hein, et que c'est celui qu'on appelle Dhul Nurayn, celui qui a épousé deux parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que les anges étaient gênés, hein, en sa présence. Donc, comment il pouvait rassembler et accuser Osman ibn Affan de cette façon-là, de ce genre de mensonge? Donc, si les gens sont capables de faire ça avec un de ces gens-là, un de ces plus grands parmi les Sahaba, et un parmi les plus grands parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui d'autre parmi nous sera épargné de ce genre de comportement et de cette attitude? Hein? Donc ça veut dire que personne d'entre nous pourrait en être épargné, parce qu'on n'est pas, aucun d'entre nous, égal à Osman ibn Affan. Donc ça c'est l'exemple, ok? Et on voit donc la différence entre l'attitude des gens de Batil et les gens de Bid'ah, comment ils mentent et comment ils font la fitna, et on voit l'attitude des gens de Ahl-Sunnah et qui ont suivi la voie de Ahl-Sunnah parmi les exemples des Sahaba qui ont suivi la bonne voie. Cheikh al-An, لو تكلمنا في دولة إيران ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ هل يقال هذا غلط؟ لماذا تتكلمون في دولة إيران وتتركون هذه الحكومة؟ نعم، هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا يذكرون مساوئها، وإذا ذكروها يقولون الشيعة فقط وهم ماشون، وهم فقط وهم ماشون. هل يذكرون مساوئ الشيعة الآن ويذكرون كيف يعاملون الضعفاء والمساكين من أهل السنة الموجودون في ظهرانهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟ وهل يذكرون ماذا فعلوا بمدارس أهل السنة؟ لا يذكرون شيئا من هذا، كل ما عندهم أن يصبوا جام غضبهم على هذه البلاد، وذلك كل ذلك للفتنة، لا نصحا لله ولا لكتابه ولا لأئمة ولا للأئمة، وإنما هو من باب التهييج وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعله أهل الشغب في كل زمان ومكان. فنحن الآن ننصح، ومرة يجيئني شخص وقال لي: يا شيخ، أنا ذهبت إلى المكان الفلاني ووجدت فيه بئرا يجتمع عليه الحجاج ويغترفون منها ويغتسلون ويرشون ثيابهم ويفعلون ويسمونها بئر الناقة. فقلنا: اكتبوا، كلهم من تلاميذنا ولله الحمد يشاركون في الهيئات وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وتبليغ المسؤولين بما يحصل من المنكرات، مشتغلين في ذلك ولله الحمد. فالمسألة أن ولاة الأمور موجودون وعندنا، نبين لهم ويكتب لهم وينصحون، فإن قاموا بالواجب فالحمد لله، وإلا فقد أدينا واجبنا. فنحن ولله الحمد ما نسكت عن المنكرات، ونحن نتعاون على إزالة المنكرات لا تخطر ببالهم ولا يرون أنها من المنكرات، ولكن هؤلاء يريدون إثارة الفتن ولا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il donne un autre exemple. Il dit, par exemple, si on parle de l'Iran, par exemple, ils disent maintenant, ça c'est une erreur, pourquoi vous parlez de l'Iran, hein, puis vous ne parlez pas de ce pays. Il dit, oui c'est vrai, il dit, eux-mêmes ils ne parlent pas de l'Iran. Et ils ne mentionnent pas qu'est-ce qu'ils font en Iran. Ils disent, quand ils parlent seulement, ils vont dire les Shia, en passant comme ça. Mais ils ne mentionnent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe en Iran, dans le sens, comment les Shia là-bas agissent envers la minorité qui fait partie de Ahl Sunnah. Comment ils les traitent, les gens d'Ahl Sunnah en Iran. Et qu'est-ce qu'ils font avec leurs écoles, hein? Et qu'est-ce qu'ils font avec leur mosquée, etc. Hein? Comment ils les traitent, la minorité qui sont là-bas. Je pense qu'il y a 20% environ des Iraniens qui sont parmi Ahl Sunnah, parmi les gens d'Ahl Sunnah. Et comment ils sont traités, ouais, là-bas. Exactement. Donc c'est pour vous dire, hein, ils traitent les gens, les juifs et les chrétiens mieux que les musulmans d'Ahl Sunnah wal Jama'a là-bas. Donc c'est juste un exemple. Après il dit, mais ils ne mentionnent rien d'autre à part ça. Et en fait ils font juste les glorifier. Les Hizbiyyin, en particulier les gens d'Ikhwan Muslimin, quand ils parlent de l'Iran, c'est juste des glorifications qu'ils ont à faire. Et ils font juste jeter la colère et la haine déjà contre l'Arabie Saoudite. Et quand ils critiquent, c'est pas pour faire la nasiha, pour donner le bon conseil, mais c'est uniquement pour faire la fitna. Hein? Ils font pas ça pour donner le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son livre et pour la Ummah, hein, et pour les dirigeants. Ils font pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pas de sincérité quand ils font ça. Ils font ça juste pour faire la fitna et faire le désordre. Okay? Et ça c'est quelque chose que les gens qui veulent faire la fitna, ils font ça à toute époque et à tout endroit. Ils font toujours ça. C'est ça leur méthode. Donc, il dit par exemple, des fois il y a des gens qui viennent me voir, des chers, à tel ou tel endroit, on a trouvé qu'il y a un puits, et les hujjaj, ils viennent, puis ils se lavent de ce puits, et ils mouillent leurs vêtements, puis ils font telle ou telle affaire. Ils décrivent qu'est-ce qui se passe à ce puits. Hein, les gens qui viennent pour le hajj, des fois, ils font toutes sortes de bid'ah. Hein? Et donc, il y a des élèves, des tulab al-ilm, il y a des gens qui voient ça des fois, ils vont voir le cheikh et ils lui disent au cheikh, « Cheikh, on a trouvé des hujjaj, ils vont à telle place, comme par exemple dans ce puits qui s'appelle et il se lave avec cette eau-là, il croit qu'il y a une baraka là-dedans. Alors que ce n'est pas sunnah, ça ne fait pas partie de la sunnah. Alors il se demande qu'est-ce qu'il faut faire, et donc le cheikh il dit, ça y est, écrivez aux dirigeants ou aux responsables, parce que là-bas il y a Hayat al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. C'est-à-dire, il y a une, disons, une organisation où, comment je pourrais dire, c'est comme une police, et eux, leur travail, c'est de s'occuper de qu'est-ce qui se passe qui est contradictoire avec l'islam dans le pays. C'est mieux, barakallahu fik. Donc, si par exemple, ils trouvent déjà des choses qui se passent qui sont haram, au contraire à l'islam, que ce soit shirk ou bid'a ou haram, des choses haram, ben ils vont et ils vont enlever ces choses-là qui sont contraires à l'islam, d'accord. Et donc chaque personne a, disons, son rôle et son travail. Et donc si tu vois des choses pareilles, tu peux aller contacter les dirigeants et les responsables et les informer de ça. Et eux, ils vont faire leur travail et ils vont éliminer ces choses qui sont contraires à l'islam. Donc ça, c'est un exemple. Donc le cheikh dit, alhamdoulilah, les choses sont claires, les dirigeants sont là, on peut leur écrire, on peut leur donner le nasiha, et il dit que s'ils font qu'est-ce qui est obligatoire, alhamdulillah. Mais sinon, nous on a fait notre obligation, on a fait qu'est-ce qui était obligatoire pour nous, on a dénoncé le mal, et on a averti les gens responsables pour qu'ils puissent faire les corrections nécessaires. Donc, le cheikh il dit, même des fois, on coopère entre nous, puis on enlève des choses qui sont haram ou des choses mauvaises que eux ils n'ont même pas imaginé. C'est-à-dire les hizbiyyins, eux ils n'ont même pas pensé à ces choses-là, alors que nous on s'est occupé de ces choses-là. Et parfois même eux ils ne considèrent même pas ça comme étant des choses mauvaises. Mais ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, c'est la fitna. Ils veulent pas faire vraiment l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils veulent juste faire la fitna. Hein? C'est comme si juste pour trouver un point faible ou une faute dans la personne, et là il commence à crier, ah ça c'est haram et tout, mais c'est pas dans le but de dénoncer ce qui est haram, c'est juste pour essayer de salir la réputation de ce gouvernement-là, ou bien d'un individu en particulier, hein, parce qu'en temps normal, ça le préoccupe peu. La preuve, quand il y a des fautes qui se passent dans les gens de leur groupe, et qu'ils font des choses contraires à l'islam, ou contraires au Coran et à la Sunna, ils ne se dénoncent pas les uns les autres. Ils appellent à unir les religions, ils appellent à réunir tous les groupes de bid'ah, et de ne pas dénoncer les bid'ah et les contradictions au tawhid. Donc on voit que, en réalité, c'est la fitna qu'ils veulent. Le cheikh dit, « وَهُنَاكَ فِي التَّارِيخِ رَجُلٌ مِثْلُ إِبْنُ سَبَأ وَإِبْنُ تُومَرْتِ وأبو مسلم الخراساني وعلي بن الفضل حتى مصطفى أتاتورك تظاهر بالإسلام، فكثير من الدعاة السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهرون بالإسلام والحماس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى غايتهم كما قال الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذه قاعدة معروفة، إذا رأيت أناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج على منهج السلف فاعلم أنهم مجتمعون على هوى وعلى بدعة. Le cheikh il donne ici un point important. Il dit, à travers l'histoire, on a vu des hommes comme Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, c'est un juif du Yémen, qui se faisait passer pour un musulman. Et c'est lui qui est à l'origine des Shia, de la secte des Shia aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec le Hamas. Il s'est présenté comme un défenseur des droits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu en disant, moi je viens pour défendre Ahlul Bayt. Et j'aime Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa maison. Et il a commencé à exagérer à propos de Ali ibn Abi Talib et d'appeler les gens à croire que, soi-disant, il était le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était lui qui devait être le calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a exagéré encore plus en disant qu'il n'était pas encore mort, mais qu'il était monté aux cieux, comme Isa, et qu'il allait revenir. Et aussi après, il a commencé à dire même qu'il était Dieu. Hein? Donc c'est des degrés dans l'égarement qu'il a pris. Jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib lui-même fasse creuser un trou et qu'il il a puni il les a brûlés, il les a fait brûler ceux qui ont dit ces choses-là. Yani, il disait directement à Ali que nous savons que tu es Dieu ou nous croyons que tu es Dieu. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il les a fait punir. Tellement il a trouvé ça grave, il les a brûlés, il a fait creuser une fosse et il a mis le feu dedans, il les a jetés dans la fosse avec le feu. Et yani, c'est pour vous dire à quel point des gens comme ça font la fitna, comme ça, en semant des faussetés. Et ils se présentent comme étant pour l'islam, en défenseur de l'islam et en défenseur de Ahlul Bayt, alors qu'ils travaillent pour faire la fitna parmi les musulmans. Ibn Tumart, c'est la même chose, Ibn Tumart. Il est parti, hein, il vient du Maghreb, de la région du Maghreb. Il est parti étudier avec Mohamed al-Ghazali, à l'époque, Abu Hamid, et il a étudié avec lui la Aqidah Ash'ariya, et puis après il s'est déclaré Mahdi, hein, et il a appelé les gens à le suivre, hein, et tous ceux qui étaient contre lui, ou contre quelque chose qu'il a enseigné, il était exécuté et tué sur le champ. Donc ils sont repartis vers le Maghreb par la suite, et ils ont imposé à tout le monde leur aqida, hein, l'aqida al-ash'ariya, et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, que ce soit comme si quand ils arrivaient à un village, s'il y avait des villages qui résistaient ou qui ne voulaient pas accepter sa aqida, ils les exterminaient tous. Hein. Donc c'est pour te dire à quel point ces gens-là étaient fanatiques et extrémistes. Et par la suite, c'est eux qui ont même combattu ce qu'on appelle... Eh oui, c'est eux qui ont fait Dawlat al-Muwahhidin par la suite, hein, et qui ont combattu les Murabitoun. Eh non. Donc c'est ça. C'est parce que, qu'est-ce qui est important, c'est ça ce qui se passe. C'est ça, il est fait avec la bid'a de l'Aqida, l'Ash'ariya, c'est lui qui l'a introduit dans le Maghreb. Avec les toutes sortes d'autres formes de bid'a et d'extrémisme. Et qu'est-ce qui se passe dans ça nous montre l'importance de connaître notre aqidah. Parce que celui qui ne connaît pas l'aqidah et qui étudie l'histoire, il ne va jamais être capable de comprendre la réalité qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Il ne va jamais être capable non plus de comprendre la réalité du développement de qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde musulman. Parce que il voit des noms, il lit des noms, il lit des événements, il apprend sur des événements, mais il comprend pas qu'est-ce qui motive ces événements-là en dessous de la réalité, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui les pousse par en dessous, par la aqida et tout ça. Donc si tu apprends les différents noms et les différentes dynasties et toutes ces choses-là, mais que tu connais pas qu'est-ce qui est en dessous, et que tu connais pas réellement toi-même la bonne aqida, tu vas être mélangé, tu ne vas pas être capable de distinguer entre Al-Haq et Al-Batil. Hein? Donc c'est comme ça, par exemple, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sortir de l'Égypte avec son peuple et d'aller à la terre de Canaan pour prendre cette terre. Il y avait un peuple qui habitait là-bas. Celui qui ne connaît pas l'histoire et qui ne connaît pas l'aqida, et qui voit un peuple qui arrive et qui prend une autre terre, qui lui appartient pas et qui appartient à un autre peuple. Comment il va interpréter ça? Il va interpréter ça sur... Il va dire, ah, c'est pas juste, comment un peuple habite là, et un autre peuple, il vient et il veut chasser l'autre. Mais quand il regarde avec l'aqida, et quand il comprend l'histoire en se basant sur l'iman, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne de faire ça, et qu'il vient pour établir le tawhid sur cette terre, mais là, ça devient une autre point de vue, une autre façon de voir l'histoire. Hein? C'est pour ça que les koufars, ils ont travaillé maintenant pour les koufars et même parfois des gens de dalal parmi à l'intérieur même de la Ummah qui travaillent pour mélanger la compréhension des musulmans pour qu'ils ne savent plus comment comprendre leur propre histoire. Et puis quand ils lisent l'histoire islamique, ils sont ils sont complètement remplis de confusion et de mélange, parce qu'ils ne jugent pas les choses selon les bons repères et les bonnes bases et la aqida. Donc c'est fondamental, même avant de connaître l'histoire et d'étudier l'histoire, il faut connaître la aqida. Hein? Si tu ne connais pas la aqida et la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu regardes juste l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Mecca avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, et comment il a établi sa da'wa et tout ça, mais si tu ne prends pas en considération la aqida, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Donc la aqida c'est fondamental, c'est la priorité. Tout le reste. Hein, c'est pas juste de connaître les noms et les événements et les dates et les personnages. Donc, Ibn Tumart, si quelqu'un ne sait pas qu'il était Ash'ari et qu'il est venu, qu'il s'est déclaré Mahdi lui-même et qu'est-ce qu'il a fait, il ne va pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui, comme le frère il dit, il le présente dans les livres d'histoire comme étant un héros, quelqu'un qui a fait des grandes choses pour soi-disant l'histoire, mais alors qu'en réalité, il a propagé la bid'a, il a fait le désordre sur la terre. Hein? Donc ça c'est un exemple. Après il parle d'Abu Muslim al-Khurasani, celui-là par contre je ne suis pas au courant de lui, je ne connais pas ce personnage. Et Ali ibn Fadl, ibn al-Fadl, ça aussi c'est un autre que je ne connais pas. Puis il parle de Mustafa Kemal Atatürk, ça je pense qu'on le connaît tous, il est contemporain, il est venu dans ce siècle, en Turquie. Et puis le chef s'est dit au début, il s'est montré comme défenseur de l'islam. Et il parle au nom de l'islam. Il y a beaucoup comme ça, des gens comme ça, qui arrivent au début avec disons une da'wa, ou bien disons une idéologie politique, et ils se présentent devant les musulmans comme étant un défenseur de l'islam, qu'il vient pour établir la justice, qu'il vient pour établir ci et ça. Et puis une fois qu'il arrive à son but, quand il a atteint son but et son objectif, qu'il a pris le pouvoir, là il démontre sa vraie face et son vrai visage. Et il dévoile en réalité que c'est un ennemi de l'islam. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention, Yannick, comme le cheikh il dit, que des gens qui se montrent comme étant des gens avec beaucoup disons d'émotion, de Hamas, hein, qui veulent dire « moi je suis pour l'amr bil ma'ruf wa nahi an al munkar » et qui ont des intentions politiques, une fois qu'ils arrivent à leur but et qu'ils ont atteint le pouvoir politique, là après on voit qu'ils changent. Et il mentionne le poème, un vers d'une poésie qui dit « Il prie et il jeûne pour atteindre son but, puis une fois qu'il est arrivé à avoir ce qu'il voulait, il ne prie plus et il ne jeûne plus. Hein. » Et donc il dit ça c'est une règle aujourd'hui. Si vous voyez des gens qui montrent qu'ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de zèle, soi-disant, pour faire des discours, puis dire qu'ils veulent défendre la justice et tout, et que vous voyez qu'ils sortent du manhaj des salafs, sachez que c'est des gens qui sont réunis sur la passion et la bid'a, et non pas sur la sunna et l'islam. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les discours émotifs qui sont en dehors des limites du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs, parce que juste l'émotion sans avoir une bonne base dans la position des salafs, ça peut amener beaucoup de gens à l'égarement. Hein. Et aujourd'hui malheureusement beaucoup de musulmans sont émotifs à ce point, sur ces points-là et sur ces questions-là, et s'ils entendent « wa alaykoum salam wa rahmatullah » et s'ils entendent quelqu'un qui soi-disant défend l'islam avec de l'émotion puis beaucoup de charisme et qui fait un discours vraiment chauffé comme on dit là, et peu importe qu'est-ce qu'il dit, ils sont avec lui, allez. Et il dit « ah lui il a pas peur, il parle fort, il dit des choses » alors qu'ils ne savent même pas la réalité de à quoi il appelle cette personne. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Donc il dit « Wa billahi, hal hum aghyaru min ulama al-islam al-mawjoudin al-an ala dinillah, la wallah, laysu aghyar minhum. Wa alladhi yubayinu lakum adamu sidqihim, ma zakarnahu lakum an dawlati Sudan wa an dawlati Afghanistan. هذا يكشف لكم الحقائق ويبين لكم النوايا المبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء الاختلاف هذه الموازين والمكاييل وهذا يكشف لكم الحقيقة إن من سبق من أهل الأهواء لم تكن تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يعتلوا عروش الحكم أما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إلى ما يريدون ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون Donc c'est ça que le cheikh il dit, et par Allah je vous demande, est-ce que eux vous croyez qu'ils ont plus de jalousie pour l'islam que les ulama pour la religion d'Allah? Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus de, qu'ils ont, que ces gens-là, parmi les jeunes bid'a, qui parlent et qui font, qu'est-ce qu'ils font, yani, qui est contraire à la sunna, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus, yani, qu'ils ont plus le sens de l'honneur et la jalousie pour la religion de l'islam que les savants de l'islam? Regardez comment les ulama de l'islam ont défendu l'islam à notre siècle. Et regardez dans le passé aussi. Regardez Cheikh Al-Albani, regardez Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, regardez Cheikh Mohamed Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, et les autres ulama aujourd'hui comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, et d'autres parmi les imams Ahl-Sunnah, Cheikh Muqbil, et d'autres ulama qui sont vivants aujourd'hui. Et vous voyez comment ils ont défendu l'islam et la sunna, mais ils n'ont pas dépassé les limites de la sunna et de la voie des salaf salih. Et ils ne se sont pas mélangés avec ces trucs de politique et ces idéologies-là. Et aujourd'hui, vous avez ces groupes-là qui disent soi-disant pour l'islam, puis après tu les vois, après ils deviennent démocrates, puis après ils disent laïcs, et après ils disent on défend ci, on défend ça, on est pour l'égalité, on est pour la liberté. Puis après, quand tu vois leur but, c'est quoi? C'est comme des caméléons. Là où ils voient que c'est rouge, ils deviennent rouges. Quand ils sont dans le vert, ils deviennent verts. Quand ils vont dans le bleu, ils deviennent bleus. Ils changent de couleur pour s'adapter selon l'endroit où ils sont. Donc c'est ça leur da'wa. C'est pas une da'wa claire. Et les salafs, ils disaient, Iyyakum wa talawun fi d-din. Prenez garde de ne pas changer de couleur dans la religion. Quand tu vas dans le rouge, tu deviens rouge. Quand tu vas dans le vert, tu deviens vert. Non, c'est pas comme ça. Il y a une seule religion, et c'est elle que tu dois suivre. Peu importe, si tu dis par exemple, tu es dans un endroit, par exemple, ici on est au Canada, ou qu'on soit en Chine, ou qu'on soit n'importe où, l'islam c'est l'islam. L'islam ne change pas. Il y en a qui disent qu'il faut changer la fatwa selon l'endroit ou le lieu. Et selon l'époque. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie, cette règle-là que les ulama ont expliqué. Ce n'est pas la fatwa elle-même qui change. C'est les facteurs qui ont établi, ou qui, c'est les facteurs qui ont fait que le savant a analysé ces facteurs-là, qu'il est venu, qu'il en a conclu, en se basant sur ces facteurs, il a conclu que c'est cette fatwa qui s'applique. Si ces facteurs changent, la fatwa change. Mais si les facteurs changent pas, la fatwa ne change pas. C'est pas la fatwa qui change, c'est les facteurs qui ont influencé cette fatwa qui changent, et c'est ça qui fait en sorte que la fatwa va changer à cause des facteurs, non pas à cause de la fatwa elle-même. Parce que قال الله قال رسول الله ça change pas. Et la fatwa de la définition d'une fatwa c'est quoi? C'est d'expliquer le verdict d'Allah à propos d'une question. C'est ça la fatwa. C'est ça la signification d'une fatwa. Tu dis aux gens le verdict de l'islam à propos d'une chose. Et il y a deux catégories. Soit une fatwa qui est claire, c'est-à-dire elle est directement dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, elle est directe. Ou bien une fatwa qui est extraite par une ijtihad des ulama. Et ça demande un mujtahid, un alim, qui va la faire cette fatwa, pas n'importe qui. Donc, les ulama, des fois il y en a qui amènent ces exemples, ils disent, ah l'imam al-Shafi'i quand il était à Basra, il avait, ou à Bagdad, il avait tel madhab, puis quand il était en Égypte, il a changé son madhab. C'est pour ça qu'on dit al-Qadim ou al-Jadid. Et donc ils essaient de montrer que, regardez, quand tu changes d'endroit, tu changes de fatwa, mais en réalité, soit, Allahu A'lam, est-ce qu'ils font exprès pour mentir ou pour cacher la vérité, ou bien est-ce qu'ils sont purement ignorants, Mais la réalité, c'est pas parce que l'imam a uniquement changé de lieu qu'il a changé son madhhab, mais c'est à cause des hadiths qu'il a appris en Égypte qu'il connaissait pas quand il était à Bagdad. Et la science qu'il a reçue, qu'il n'avait pas acquis quand il était à Bagdad, que quand il est arrivé en Égypte, il a changé son madhhab en se basant sur les connaissances qu'il a reçues. Hein? Et donc, ça n'a rien à voir avec la question de lieu ou de l'époque. Et l'imam Shafi'i lui-même, il disait, « إذا صح الحديث فهو مذهبي » C'est le hadith, il est sahih, c'est mon madhhab. Donc, la voie des salaf, elle est claire, elle ne change pas. Mais eux, ces gens-là, ils veulent jouer avec la religion. C'est-à-dire, bah, t'es au Canada, donc il faut amener un nouvel islam. Il faut, soi-disant, réinterpréter et adapter, soi-disant, l'islam pour que ça soit applicable ici. Il faut intégrer, soi-disant, l'islam à leur mode de vie ici, en tout cas, en rendant tout ce qui n'est pas islamique, islamique. En tout cas, ils jouent comme ça avec les mots pour étourdir les gens. Mais, alhamdoulilah, la réalité est claire. Donc ça, c'est des petits exemples comment ces gens-là, ils jouent. Quand ils ont, une fois qu'ils ont une idée en tête, ils mettent de côté le Coran et la Sunna, puis ils disent, ça y est, on va le faire. Que ce soit correct ou non. Et tant qu'il n'y a pas de personne qui s'oppose à eux, ils vont tout droit. Mais si quelqu'un commence à dire, est-ce que ce que vous faites là, c'est pas correct? Ça, c'est pas en accord avec le Coran et la Sunna. Là, ils commencent à chercher des fatwas. Ils commencent à faire le fatwa shopping. Hein. Allez essayer de trouver, c'est qui va répondre pour nous dire, oui, c'est correct, qu'est-ce que vous faites? Mais à la base, ils n'y croient même, ils n'ont même pas besoin de fatwa parce qu'ils ont déjà leur idée, leur plan déjà établi. Ils veulent arriver à un but et ils sont prêts à tout pour y arriver. Donc, n'est-ce pas, il y a de ces gens-là qui suivent leur passion. Donc, il dit, là, on voit, Cheikh, il dit, on voit comment on voit que ces gens-là, ils n'ont pas de sincérité. Hein, il donne l'exemple. Il dit, vous pouvez voir comme qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, au Soudan, hein, quand ils ont atteint leur but, comment ils ont commencé à dire, bon, on ouvre la porte au christianisme pour venir prêcher le christianisme, et on donne la liberté aux soufis, et on donne la liberté aux gens bid'a, on veut réunir tout le monde, même les rafidas, ils les ont invités, puis ils nous ont dit, venez, les rafidas, on vous ouvre les portes, et tout. Donc le cheikh, il dit, et il dit même en Afghanistan, c'est la même chose qu'est-ce qui s'était passé, après qu'ils avaient soi-disant pris Kaboul. La même chose, ils commençaient à se combattre les uns les autres, puis à s'allier avec les communistes. Après avoir combattu les communistes pendant je ne sais pas combien d'années, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, après, ils commencent à faire des alliances avec toutes sortes de monde, sans prendre en considération leur aqidah. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévoiler la réalité de ce qu'ils cachaient, hein, et qu'est-ce qui était derrière leurs intentions, et les contradictions qui sont derrière. Alors, le chéri, il dit, avant, les gens de bid'a dans le passé, ils cachaient toutes leurs bid'a, toutes leurs faussetés et leurs contradictions jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Puis quand ils arrivent au pouvoir, là, ils montraient qu'est-ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués avant même qu'ils arrivent à leur but. Et on a vu tout de suite, même avant même qu'ils arrivent à leur but, qu'ils étaient des gens qui suivent leur passion et qui veulent aller contre à la vérité. هؤلاء خصماء للمنهج السلفي وأهله. فالمنهج السلفي عندهم ما يصلح مشلول محاربة للقبور سنة بدعة إلى آخره آلاف العبارات كلها تشوه المنهج السلفي تشويهات للعلماء وتشويه لهذه الدولة لأنها تسند إلى المنهج. Donc, le cheikh, il dit que c'est ça, ces gens-là, en réalité, ils ne font que s'opposer au manhaj salafi, et aux gens qui supportent le manhaj salafi. Parce que pour eux, c'est pas bon, ce manhaj. Tu les vois, hein, ils disent aujourd'hui, on est pour le dialogue, et l'ouverture, et la liberté d'expression, et la liberté d'opinion, et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, et la communauté est pas une communauté monolithique, et elle est composée de différentes de différents groupes, et donc on est d'accord qu'il y a différence, et pourtant, Yanni, eux qui prétendent être pour la liberté, la seule chose, ils laissent tout le monde parler et dire leurs mensonges et les contradictions à l'islam, sauf les salafis. Les seuls qu'ils attaquent et qu'ils critiquent et contre lesquels ils n'ont aucune pitié, hein, c'est les salafis. Les autres, ils font des bid'ah, ils dansent dans leur mosquée, ils tournent en rond, ils disent des choses contraires au Coran, contraires à la sunna, contraires au manhaj des salafis. Personne ne dit rien, ça dérange personne. Du moment que tu dis « قال الله قال رسول الله », ça c'est sunnah, ça c'est bid'a, ça c'est tawhid, ça c'est shirk, hein, ça dérange tout le monde. Ah, ceux-là ils font la division, ils font ci, ils font ça. Pourquoi? Parce qu'on clarifie les choses, parce qu'on dit qui est qui. Voici, ça c'est salafi, ça c'est soufi, ça c'est khariji, ça c'est rafidi, ça c'est ci, ça c'est ça. On distingue les choses. On met les étiquettes sur les choses, et donc on met les bons noms sur les bonnes personnes, et sur les bonnes choses, pour que tout le monde sache qui est qui, et qu'est-ce qui se passe. Eux, ça les dérange. Ils ne veulent pas que ce soit comme ça. C'est ça leur règle, la règle d'or. Ça c'est Mohamed Reda, ou bien Abdul, comment il s'appelle, Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani, c'est lui qui a amené ça, avec Mohamed Abdou. Et les deux étaient des gens qui étaient rentrés dans la franc-maçonnerie, ça s'est établi qu'ils étaient des francs-maçons. Et Jamaluddin Al-Afghani, par la suite, il a été le professeur de, pas Jamaluddin Al-Afghani, l'autre, Mohamed Abdou, il a été le professeur de Hassan Al-Banna. Il a été le professeur de Hassan Al-Banna, Hassan Al-Banna le soufi. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui a transmis par la suite cette règle, qu'on travaille avec tout le monde sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse si on a des désaccords. Si on a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on s'excuse les uns les autres. Et ça, c'est une règle qui est très dangereuse. Parce que là, maintenant, ils sont en train de dire, ah, les juifs, on a 95% des choses qu'on est d'accord, puis 5% sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est quoi ces 5% là sur les choses lesquelles on n'est pas d'accord? Et c'est quoi les choses sur lesquelles on est d'accord avec les Qouburiyyins, Ubad al-Qubur, et les gens qui adorent les morts et qui égorgent pour les morts? On est d'accord avec la foi, sur la salat, on est d'accord sur le hajj, on est d'accord sur le somme, on est d'accord sur beaucoup de règles de l'islam, il n'y a pas de doute, l'oudou, on fait l'oudou de la même façon, le rossoul, hein. Mais on est en désaccord sur quoi? On est en désaccord sur le tawhid. On est en désaccord sur le tibah sunnah. Al-usul, les fondements, on est en désaccord sur les bases. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les mouchriquins de Mecca, est-ce qu'il n'y avait pas des choses sur lesquelles ils étaient d'accord? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit aux mouchriquins de Quraysh, on va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord, et qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord, on va s'excuser. Hein? Est-ce que vous pensez que la religion d'Allah s'est établie comme elle est aujourd'hui? Si le prophète avait suivi ce manhaj, hein, ce manhaj de batil, qui est contraire à l'islam, jamais. Et donc eux, c'est ça ce qu'ils font. Soit qu'ils mentent et qu'ils font semblant, ils utilisent taqiyya peut-être, hein, tuqiyya ou bien taqiyya, parce qu'ils prétendent qu'ils ont peur. Donc ils pensent que ça leur permet de montrer ce qui est contraire à l'islam, hein? Alors que ça, c'est pas permis pour un musulman de montrer ce qui est contraire à l'islam, excepté s'il est contraint qu'ils vont le tuer ou il va mourir, hein? Comme Ammar ibn Yasir, hein? Ils l'ont menacé, ils ont tué son père et sa mère devant lui, après ils l'ont menacé, ils ont dit soit que tu insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu acceptes nos idoles, sinon on te tue. Il l'a dit parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer. Ça, c'est l'ikra. Dans des cas comme ça, c'est permis. Mais, en dehors de l'ikra, si quelqu'un montre qu'il est d'accord avec le kufr, ou le shirk, ou des choses qui sont contre les fondements de l'islam, sans contrainte, il a quitté l'islam. Maintenant, c'est pas une choubasse. Ils peuvent pas l'utiliser. Pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser? Parce qu'ils ne sont pas contraints. Il a peur seulement, peut-être. Ils ont peur seulement, mais ça, ce n'est pas une excuse. Et même, ce n'est même pas peur. Ils veulent jouer comme ça. Donc cette attitude-là, c'est pas correct. Et donc, le cheikh, il dit que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste essayer de salir cette da'wa, de salir ce manhaj. C'est ça ce qu'ils veulent, seulement. Donc, on a vu toutes les attaques qu'ils font contre notre da'wa, et comment ils attaquent les ulama, et comment ils essaient de salir leur réputation. Hein, voilà l'exemple. فهذا بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون فوالله ليس من أجل المنكرات كذابون لو كانوا يحاربون المنكرات لحاربوا السودان وأفغانستان قبل هذه الدولة ألا تزرع في أفغانستان الحشيش الحشيش والإفيون الذي يحاربه اليهود والنصارى يزرع في أفغانستان آلاف القبور بعد الجهاد آلاف القبور وبعد الجهاد كثرة القبور كثرة لا أول لها ولا آخر في خلال الجهاد وهم يأخذون أموال المسلمين ويشيدون بها القبور فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة للتوحيد شيخ الدين Il dit, on voit, c'est ça le but. Si vous réfléchissez et que vous comprenez, on voit qu'ils ne veulent pas dénoncer les péchés qui se passent en Arabie Saoudite et dénoncer ça au nom d'Allah et faire l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Il dit, ça c'est des menteurs. Ils ne veulent pas faire ça. Parce que s'ils voulaient vraiment dénoncer les choses qui sont incorrectes et qui sont péchés, ils auraient dénoncé les choses qui se passent au Soudan et en Afghanistan et dans d'autres pays. Hein? Mais ils veulent pas faire ça. Ils disent, regarde, en Afghanistan, ils font la culture du hashish et de l'opium. Hein. Et donc, ils disent qu'ils sont contre les munkarats alors qu'ils ne disent rien contre ces choses-là. Et il dit, il y a des milliers de tombes. Après le djihad, on a vu qu'il y a encore eu de plus en plus de tombes qui sont construites. Contrairement à la sunna. On sait que c'est interdit de bâtir des choses sur les tombes. Et eux, ils continuent de le faire de plus en plus. Hein? Et donc, ils prennent l'argent des musulmans pour bâtir ces choses-là. Et construire des tombes. Est-ce qu'on peut espérer de ce pays-là qu'ils vont établir le tawhid? هل تعلم أن أحدا من حكام هذه البلد بني عليه قبر؟ لا تبلغ لا تبلغ الحكومة الحكومة الآن بقبر إلا أو لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا قالوا اهدموها أو اهدموه على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم محاربة والمنكرات محاربة والبدع محاربة وشعائر الإسلام ظاهرة والدكاكين تقفل قبل الصلاة بربع ساعة ونصف بربع ساعة ونصف ساعة في بعض الأماكن ويوجد هل يوجد مثل هذا في الدنيا اذهب لأي بلد تجدهم في رمضان يأكلون ويشربون ويشربون الخمر ويزنون ويرقصون في نهار رمضان هل تجد مثل هذا هنا أهل البدع يعملون هذه في أقبية والدهاليز وفي السراديب وما يقدرون أن يعلنوا أو ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية وغيرهم فهل تجد مثل هذا في غير هذا البلد donc le cheikh il donne des exemples ici il dit regardez ici par exemple il parle de l'Arabie Saoudite est-ce que vous avez vu qu'un seul des dirigeants on a construit quoi que ce soit, un monument ou un mausolée ou quelque chose sur sa tombe, hein, il dit, chaque fois qu'on indique au gouvernement qu'il y a une tombe qui a été élevée ou construite par-dessus la tombe de quelqu'un, automatiquement elle est détruite. Hein. Ils disent, détruisez-la. Selon la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les contradictions, les bid'ah, les choses haram sont combattues. Hein, et les principes et les rites de l'islam sont apparents. Lorsque c'est l'heure de la prière, les magasins sont fermés. 15 minutes avant, même une demi-heure avant dans certaines régions, il ferme les magasins. Hein? Subhanallah. Donc c'est pour vous dire, peut-être il y en a parmi d'autres pays musulmans, ils ne ferment pas les magasins à l'heure de la prière. Le adhan, on l'entend, personne ferme les magasins. Le monde continue à marcher dans la rue comme s'il n'y avait pas d'adhan, comme si tu étais en France et puis que les gens entendent le adhan dans la rue. Personne ne va fermer son magasin. Et bien, dans certains pays, c'est comme ça, dans les pays musulmans. Et non, donc le frère, il témoigne pour son pays. On ne va pas nommer le nom. Mais c'est pour dire que c'est comme ça. Il y a des frères ici, malheureusement, Allah Musta'an, on est dans un pays non musulman. Moi, j'étais dans une autre ville aux États-Unis. Les frères, mashallah, de ce quartier-là, quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leur magasin, ils vont à la prière. Hein? Ils sont pas dans un pays musulman, ils sont aux États-Unis, hein, dans un petit quartier, là, entre eux. Ils ont tout leur commerce. Quand c'est l'heure de la prière, tout le monde ferme le commerce, ils vont faire la prière. Après la prière, ils retournent, ils ouvrent leur commerce. Ici, c'est des individus. Mais pourquoi il dit ça? C'est pour vous donner un exemple de que quand on veut faire quelque chose, puis on est sincère, on est capable de le faire. Ici, par exemple, dans le quartier, il y a plein de commerces musulmans. Et attendez, ce serait bien pour les frères si c'est l'heure de la prière qu'ils ferment leur magasin et qu'ils viennent faire la prière. Et quand ils ont fini la prière, ils retournent dans leur magasin, hein, et ils... On va couper le son, là. Ouais. Quand ils ont fini la prière, ils retournent dans leur magasin, et ils ouvrent et ils vendent. Mais, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai demandé à un chef, le chef du Koweït, quand je suis allé en Angleterre, Cheikh Ismail Mundakar, et je lui ai demandé, Cheikh, il y en a qui pensent que c'est juste en Arabie Saoudite qu'on doit fermer les magasins avant la prière. Parce que des fois, j'ai discuté avec certains frères musulmans, puis ils m'ont dit, mais Mecca, Medina et Balad al-Haram, c'est normal parce que c'est les terres saintes. Mais les autres pays, c'est correct, pas obligé de fermer le magasin à l'heure de la prière. Et j'ai dit que dans notre quartier, on a une mosquée, puis tous les commerces autour sont des musulmans. Et donc, est-ce que c'est obligatoire pour eux de fermer le magasin à l'heure de la prière et de venir faire la prière avec nous? Le chef, il m'a dit, si un d'entre eux, il fait ça, il commence à le faire, peut-être que d'autres frères vont le suivre, et puis il va commencer une bonne sunna, hein, une sunna hasana. Et peut-être que ça va amener du bien pour, le chef, il a pas voulu dire, il m'a pas répondu en voulant dire, c'est sûr, il a dit c'est sûr que c'est obligatoire, mais en tenant compte de la réalité, hein, des gens, comment ils sont ici, parfois. Parce que c'est vrai que si tu es musulman, des fois tu vas aller travailler dans un commerce ou une compagnie que les propriétaires sont pas musulmans, des fois t'as de la misère pour, disons, tu veux dire, je veux faire ma prière, c'est l'heure de ma prière et tout. Des fois ils te donnent des problèmes, mais en général ils te laissent faire ta prière. Mais le pire, c'est quand ton patron est un musulman et qu'il te donne des problèmes pour faire ta prière. Hein? Donc ça c'est grave. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, on dirait que il y a des gens qui, quand ils commencent à faire du commerce, ils oublient les règles de l'islam et ils jugent plus par les règles de l'islam. Alors que Allah les a bénis d'avoir ce moyen-là d'être indépendants dans leur risque, de pas dépendre d'un autre, d'un kafir ou d'un autre qui va leur dire fais pas ça, fais ça. Puis une fois qu'ils ont cette ni'ma, c'est comme s'ils la mettent de côté, puis ils commencent à être durs avec les musulmans des fois. Mais Allah l'afia. Donc c'est juste un rappel à ce sujet-là. Mais c'est pour bien regarder la réalité de qu'est-ce qui se passe. C'est pas, on dit pas ça pour critiquer les autres pays musulmans, puis dire l'Arabie Saoudite est meilleure que les autres pays. Mais c'est dans le but, en fait, de bien regarder, dans le sens que vous critiquez ce pays-là. Alors qu'en réalité, si vous êtes sincère avec vous-même, vous n'allez pas trouver un autre pays dans le monde musulman qui applique l'islam de cette façon-là. Nulle part. Même si vous allez dire, ah, il y a des gens qui sont riches, qui font plein de péchés, qui vont dans d'autres pays, qui font des corruptions et tout. D'accord. Oui. Peut-être que ça existe. mais est-ce que vous êtes capable de trouver un exemple de notre pays qui applique les règles de l'islam de cette façon? Hein? Parce que si vous reculez dans les époques passées, que ce soit dans les autres, dans l'Abbasiya, ou dans l'Amawiya, ou dans l'Othmaniya, ou bien en Andalus ou d'autres périodes de l'histoire islamique, vous pensez que vous allez trouver des exemples que yani, c'était tout parfait, et qu'il n'y avait pas de péché, des contradictions comme on voit yani, dans certains pays aujourd'hui. Je peux vous dire que même si vous regardez historiquement, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement en Arabie Saoudite, il dépasse plusieurs de certaines époques de l'Empire islamique à différentes régions, où il y avait soi-disant à l'époque dirigeants qui appliquaient soi-disant l'islam, mais avec beaucoup de contradictions et beaucoup d'erreurs aussi. La même chose. Donc ça c'est un exemple. Donc c'est pour dire que les autres pays musulmans doivent, Inch'Allah, avec l'ilm et le da'wah, atteindre le minimum de ce niveau de qu'est-ce qu'on voit en Arabie Saoudite, et si c'est possible de dépasser ça, alhamdoulilah, hein, mais petit à petit, mais ça, pour ça il faut le ilm, il faut le da'wa, il faut le sabr, il faut le hikma, hein, petit à petit, pas avec les du'ats politiques et les ahzab siyasiya comme on a vu dans certains pays comme en Algérie, en Égypte et ailleurs, qu'ils ont fait la fitna puis qu'on a vu le sang couler partout par la suite à cause de la contradiction qu'ils ont fait avec le manhaj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils n'ont pas suivi la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour éduquer les gens, puis suivre le bon manhaj, ils ont fait couler le sang, ils ont semé le désordre, la corruption sur la terre. Parce qu'ils ont essayé d'utiliser une voie contraire à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'ils n'ont pas suivi le bon manhaj, ni dans leur aqidah, ni dans leur manhaj de la façon d'appliquer l'islam. Et on a vu les conséquences, à différentes époques, dans différents pays. Maintenant, si les gens avaient suivi l'exemple des réformateurs et des grands ulama de l'islam, ils n'auraient pas eu ces conséquences-là. Allah musta'an. Donc c'est pour vous dire que, ça c'est un exemple. Après le cheikh, il dit, tu vois, dans d'autres pays musulmans, des gens qui boivent et qui mangent en plein jour en Ramadan. Et dans certains, entre ces pays-là, tu vois qu'il y a l'alcool qui est bu, et des gens qui font le zina, ou des gens qui dansent, hein, qui des discothèques ou des trucs comme ça. Et moi j'étais étonné de voir, même ici dans le quartier Allah Musta'an, dans le Ramadan, les publicités de les nuits du Ramadan. Hein, ça c'est quelque chose, moi j'avais jamais vu ça depuis 17 ans maintenant que je suis musulman. Quand je suis converti, il n'y avait pas ça. Dans les 10 premières années, je peux dire, j'ai jamais vu ça. Puis là, maintenant, on commence à voir ça depuis quelques années. Les affiches partout dans les arrêts d'autobus, les métros, les journaux, les cafés partout, les nuits du Ramadan. Puis c'est quoi? Des chanteurs, des chanteuses, et des gens qui vont, je sais pas pour faire quoi, Allah Musta'an. C'est ça l'islam? C'est ça le Ramadan? C'est ça les nuits du Ramadan? Pendant qu'il y a sur le Tarawih, ces gens-là vont pour danser, puis faire le haram, puis ils pensent que c'est ça les nuits de Ramadan. C'est quoi les nuits de Ramadan? Hein? Donc ça c'est des exemples aussi des pays où durant le Ramadan, Allah Musta'an, on dirait qu'ils font exprès pour mettre toutes sortes d'affaires contraires à l'islam dans les émissions de télévision durant le Ramadan en particulier. C'est là qu'ils mettent plein de films, des émissions, des trucs bizarres. Alors que le reste de l'année, il n'y a rien comme ça, yani. Donc c'est en particulier on dirait, le mois où les gens ont l'opportunité de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils essaient de notre moyen, par exemple, de les détourner justement pour recanaliser l'énergie spirituelle vers un autre conduit, Allah musta'an. Donc ça c'est triste. Après, il dit, vous voyez même les gens de Bid'a, par exemple, en Arabie Saoudite, comme les Rafidah, les Shia, parce qu'il y a des Rafidah en Arabie Saoudite, il y a des Soufis, hein, mais ils pratiquent leurs affaires dans des endroits cachés, hein, ils se cachent entre eux pour le faire. Quand ils veulent fêter le Mawlid, ou ils veulent faire leurs autres célébrations, là, des Shia, ils se cachent dans des endroits, là, secrets, pour pas se faire voir, parce qu'ils savent que c'est pas correct et pas permis. Alors, ils les font en secret. Est-ce que vous voyez ça dans d'autres pays musulmans? Vous voyez pas ça. Dans les autres pays musulmans, c'est le contraire. C'est les gens de bid'a qui pratiquent leur bid'a ouvertement et qui font les contradictions à l'islam ouvertement. Et quand c'est yani les gens d'Ahl-Sunnah, eh ben eux, yani pour enseigner aux gens la Sunnah et tout, ils ont plein de difficultés. Donc c'est ça ce qui est triste. تجدوا كتب أهل البدع ممنوعة والحمد لله ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة أو الملمعة من كتب الإخوان المسلمين فإنه إلى الآن علماء هذه البلد ما أدركوا أن كتب الإخوان المسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع لأنهم لم يقرؤوها ولو علموا هذا وأدركوه نسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها عن شبابنا وليس هناك الآن أخطر على شباب هذه الأمة من فكر الإخوان المسلمين وبدعهم لشيخ الدي إيه on trouve pas de livre des gens de bid'a الحمد لله c'est tout ça c'est interdit et on demande à Allah qu'il purifie notre terre et ce pays de des livres des gens de bid'a comme les Ikhwan al-Muslimin, parce que ces livres-là ont réussi à s'introduire, malheureusement, en Arabie Saoudite, et donc le cheikh il dit que ça c'est très dangereux, ils sont dangereux, plus dangereux que tous les livres des gens de bid'a réunis. Ouais, comme ça, Allah. Il dit les ulama ne les ont pas lus ces livres-là, mais s'ils les avaient lus, ils les auraient interdits aussi, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les éliminer, yani de faire en sorte qu'on ne les retrouve plus. Et de les éloigner de nos jeunes, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour nos jeunes actuellement que cette pensée des, qui est la pensée des Ikhwan al-Muslimin et leur bid'ah. Imaginez, déjà que les salafs ont averti contre toutes les bid'ah, une par une, secte par secte, individu par individu. Et maintenant tu as un groupe islamique qui parle au nom de l'islam et qui défend et protège et couvre et essaie de rassembler toutes les bid'ahs réunies ensemble, sous un seul parti. Hein? Parce que eux, comme j'écoutais Cheikh Mohamed Aman aujourd'hui, il dit que Hassan al-Banna, quand il a voulu décrire sa jama'a, hein, son groupe, il a dit, « Hiya haqifatun soufiya wa yani salafiya », en tout cas, il a utilisé « salafiya » et « soufiya ». Il dit, subhanallah, il décrit sa jama'a ou son groupe par des contradictions. Hein? C'est comme tu dis, c'est un groupe qui est sur la sunna et sur la bid'a en même temps. Ça c'est contradictoire. Et donc ça c'est un exemple. Il dit, pourquoi il fait ça? C'est pourquoi Hassan al-Banna fait ça? Parce que il veut essayer de rassembler le plus de monde possible et de toucher toutes les bid'a possibles. Comme ça tout le monde va être d'accord avec lui. Vous voulez le sport? Ok, on est avec le sport. Vous voulez la politique? Ok, on est avec la politique. Vous voulez le soufia? Ok, on est avec le soufia. Vous voulez le salafia? Ok, on est avec le salafia. Vous voulez le khawarij? Ok. Vous voulez ci? Vous voulez ça? Donc, tout le monde est d'accord. On va tous être, tout ce que vous aimez, on l'a. Venez nous rejoindre, votez pour nous. Parce que quand c'est une question de vote, tu veux pas mélanger, tu veux pas dire, être franc. Quand tu veux récolter juste des votes et accumuler la popularité, tu peux pas être franc et sincère et direct. Tu es obligé d'être hypocrite et de mentir aux gens et de faire semblant que tu es d'accord avec tout le monde pour plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont même comme ça en train d'agir comme ça avec les chrétiens et les juifs pour dire oui, on est d'accord, on est avec vous, on va faire des dialogues. Hein, vous avez du bon et nous aussi on a du bon, tout le monde est bon. Hein, on va se réunir. Alhamdulillah. Ça c'est une attitude de politicien, en particulier le politicien démocrate. C'est pas l'attitude d'un mu'min, c'est pas l'attitude des prophètes, alayhi wassalatu wassalam, hein, et des anbiya. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à la voie des salafs et pour faire comprendre ça aux musulmans. Hein, alhamdulillah. Donc, yani, tu vois, il y a des imams, Allah nusta'an, à Montréal, ils invitent à chaque élection. Quand les élections approchent, ils invitent les représentants des différents partis pour faire des discours dans la mosquée, pour parler aux musulmans. Subhanallah, tu vois même pas ça dans les églises, hein, que les gens ils vont aller parler dans les églises. Pourquoi ils veulent mélanger? Et là après ils disent qu'ils sont pour la laïcité, Et après, ils disent, on veut que le gouvernement québécois ou français forme les imams. Après, ils disent, on est pour la laïcité. Ça, c'est pas une contradiction, ça? Tu veux séparer la religion de la politique, après tu dis, c'est la politique qui va diriger la religion. Donc ça, c'est certaines des contradictions qu'ils font, ces gens-là. Et quand on a dit, par exemple, qu'est-ce qu'ils sont en train d'appeler les gens à faire maintenant, et aller de dire on va amener les représentants dans les mosquées pour parler aux musulmans, eh ben ces représentants-là, ils viennent juste pour acheter des votes. Après qu'ils sortent de la mosquée, ils vont aller peut-être rencontrer des juifs, rencontrer des chrétiens, rencontrer tout le monde. Parce que eux, pour eux, l'important, c'est que tu votes pour lui et c'est tout. Le reste, il ne veut rien savoir de toi. Il ne voit pas que tu es musulman ou que tu es si, ça pour lui, c'est pas important ça. Hein? Donc lui, pour lui, qu'est-ce qui compte, c'est ton vote. Et là, Allahu a'lam, mais peut-être que ces groupes de hezbiyyin, là maintenant, ils sont en train de s'organiser pour essayer de faire un parti, soi-disant, et essayer de faire un parti musulman pour essayer de faire la fitna ici encore. Comme ils ont fait dans les pays musulmans, maintenant ils vont essayer peut-être de le faire en Amérique ou en Europe. Donc c'est petit à petit, ils font leur plan, ils essaient de faire leurs affaires, là, en Ustad. Maintenant ils se prennent plus qu'ils se présentent comme étant plus québécois que Gilles Vigneault. Je ne sais pas si vous connaissez Gilles Vigneault, celui qui chantait Jean du pays. Donc eux ça y est maintenant, ils ont dépassé Gilles Vigneault dans leur nationalisme québécois. Hein. Le cheikh il termine en disant Alhamdulillah, نحن على خير والشر موجود في العصور الإسلامية كلها حتى في عهد بني أمية جهل كثير من الناس تحريم الخمر جهلوه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والحمد لله هنا الحلال واضح والحرام واضح بسبب بيان العلماء وبسبب المدارس القائمة على المنهج الحق قال الله وقال رسول الله الذي يغيظ كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المسلمين فيريدون اليوم الذي ينتهي فيه قال الله قال رسول الله تلك الاستدلالات التي تهدم بدعهم وبدع أوليائهم من أهل الضلال قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال أحمد بن حنبل وعليكم السلام ورحمة الله فيتمنون اليوم الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمم الأفواه ولا يبقى إلا سيد قطب والمودودي وزينب الغزالي والخميني وأمثالهم. Donc le chef il termine le chapitre en disant Alhamdulillah, il dit on voit qu'il y a du bien, puis il y a du mal aussi qui est présent. Et le mal on l'a vu à toutes les époques, c'est pas juste maintenant, on l'a vu à toutes les époques de l'islam. Même à l'époque de Bani Umayya, hein, la dynastie de Umayya, les Umayyades, comme on les appelle en français les Umayyades, il y avait même beaucoup de gens qui ignoraient que l'alcool était haram. Ils ignoraient que l'alcool était haram à l'époque de Bani Umayya. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Donc Alhamdulillah, il dit on voit que maintenant le halal est clair, le haram est clair. À cause des ulama et à cause des écoles qui sont établies sur le vrai manhaj, qui dit voici ce que Allah a dit, voici ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça met en rage et en colère les gens de Bid'a. Parce qu'il n'y a rien qui déteste, il y a rien que les gens de Bid'a détestent plus que quelqu'un qui dit qala Allah, qala Rasulullah. Ou bien quand tu leur parles et qu'ils disent quelque chose, tu dis c'est quoi ta preuve? Ça les met en colère, ça les enrage. Wallahi, ça les enrage. Mais sinon, discuter, argumenter, faire des débats philosophiques, tu vas aller, ils vont parler pendant des heures et des heures. Hein? Vous les voyez même dans leurs débats et discussions, ils philosophisent comme ça, sans jamais mentionner ni une fois « qala Allah » ou « qala Rasulullah », comme si c'était un débat philosophique. Et comme si l'islam c'était « qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que je pense ?» D'accord. Donc ça c'est l'exemple. Et donc ils n'aiment pas ça quand on mentionne les preuves et quand on rapporte les paroles des ulama, Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Wahhab, Ahmed ibn Hanbal et d'autres parmi les ulama, ils n'aiment pas ça. Et ils veulent uniquement qu'il reste Sayyid Qutb, Al-Mawdoudi, Zainab al-Ghazali et Al-Khomeini et d'autres parmi ces gens-là. Donc le cheikh il termine en disant ça. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Donc alhamdulillah, on a terminé le livre, alhamdulillah, puis J'espère que ça a été bénéfique pour les frères. Et puis, et je ne sais pas la semaine prochaine encore qu'est-ce qu'on va faire comme livre. Je n'ai pas encore décidé, mais bon, je suis ouvert à des suggestions si vous avez des suggestions. Et aussi, je vais voir durant la semaine jusqu'à mercredi prochain qu'est-ce qui peut être intéressant à faire. On va s'arrêter ici. SubhanAllah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.